génie des platines, le numéro 1 dans tout Paris. Restaurant Congo Sac en Nantes, chez le président Gassa, la référence des connaisseurs. Oh, pas maître de Mouna Kamba et Mouaé. Pas maître de Mouna Kamba et Mouaé. Et pas moi, t'es na meyaé, na meyaé de Nyolango. Et pas moi, t'es na sopaé, na sopa de Nyolango. Doi biye, na meyaé de Nyolango. Doi biye, ando. Don't know,